OK, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1. Andrew Murray, un homme qui a écrit des livres il y a plusieurs années, a dit « L'humilité est la source de toutes les bénédictions. » Il avait écrit un livre là-dessus. « L'humilité est la source de toutes les bénédictions. » Si ce qu'il dit est vrai, l'autre côté de la médaille, ce serait quoi? L'orgueil est la source de toutes les malédictions. Si un est vrai, l'autre est vrai. On ne peut pas prendre juste la moitié de la médaille. Les deux sont vrais. Et si on prend le temps de méditer, c'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai. Et c'est l'orgueil qui empêche les gens de se confier en Dieu, d'aller vers Dieu, d'appeler Dieu au secours. En tant qu'être humain, quand ça va mal, on essaie jusqu'à temps qu'on est capable, par nous autres, mais quand on n'est plus capable, on demande de l'aide à quelqu'un. Parce que ça nous demande un effort, parce que c'est humiliant de dire à quelqu'un, je ne suis pas capable, j'ai besoin d'aide. Et d'arriver devant Dieu, l'être humain, pour de dire à Dieu, je ne suis pas capable, viens m'aider. Les êtres humains n'aiment pas ça. Je parlais avec quelqu'un cette semaine au téléphone, puis il me disait, ouais, mais, je ne suis pas capable de tout faire, mais viens pas me dire, je ne suis pas capable de rien faire. Il y avait une limite entre les deux. Il était bien capable d'avouer qu'il y avait de la misère, mais de rien faire, il n'était pas capable d'avouer ça. Je suis capable de rien faire. Et vous souvenez, Jésus, la dernière fois qu'il parlait avec ses disciples, une des dernières heures avant de mourir, il a dit à ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Là, on peut entendre parler des choses de la terre, parce qu'on est capable de les faire sans lui. De quoi qu'il est en train de parler? Non, ce n'est pas vraiment du salut, mais c'est accompli dedans jusqu'à certains points. Mais ce qu'il est en train de dire, pour Dieu, vous n'êtes pas capable de servir Dieu par vous-même. C'est moi qui vais vous rendre capable par le salut. Okay? Mais là, il n'était pas capable. Avant que je demande le salut, il faut que je réalise que je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit pour Dieu. Et là, c'est humiliant pour l'être humain de faire ça. Et ce matin, le texte qu'on va étudier, Paul va parler aux Corinthiens, puis il va leur dire qu'ils sont des têtes enflées. Pour vous autres, ça n'a pas grande importance, peut-être. Pour moi, ça a de l'importance. Je vais vous conter l'affaire une fois. C'est vraiment chien ce que j'avais fait, en tout cas. Non. J'étais jeune, j'étais pas encore chrétien, c'est peut-être plus pardonnable. J'étais pas chrétien, je connaissais pas la. Je voyais pas clair. Et j'étais chez mon frère et sa femme était là. Elle a dit, vous autres les Nolettes, là, vous êtes une gang d'orgueilleux. Vous pensez meilleur que les autres. Puis là, je la regarde tout bien sérieux. Non, tu comprends pas. On se pense pas meilleur, on est meilleur. Voyez-vous comment j'étais? Puis j'avais dit ça, mais bien sérieux. Hein? Là, ça fait partie de la gang, à ce temps, être avec les Nolettes. Mais voyez-vous comment est-ce que j'étais? Puis j'ai pas dit ça juste en face. Là. On a vraiment l'impression qu'on était meilleur que les autres. On se compare, hein? Vous comparez jamais, vous autres? Ben oui, on se compare. Quand on se compare pas généralement avec des ceux qu'on pense meilleurs que nous. On se compare avec ceux qu'on peut péter les bretelles un petit peu et dire « Moi, je suis meilleur un petit peu. » Je me souviens qu'on était une gang de machos chez nous dans le camp, on faisait des poids à halter. C'est pas la pogo, j'en ai fait, mais j'en ai fait longtemps. Et on était tous là, puis on essayait-tu de lever plus fort, plus une livre de plus que l'autre, là, pour montrer qu'on était les meilleurs, plus fort. Puis on dit souvent, j'ai réussi, mais je l'ai fait avec mon orgueil, pas avec mes bras. Et les chrétiens de Corinthe avaient le même problème. Ils se comparaient entre eux. On achève, c'est le dernier sermon ce matin sur cette série-là, des 4 premiers chapitres. Ils se comparaient entre eux. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de Céphas. Moi, je suis de Christ. Moi, je suis d'Apollos. Et on se comparait pour savoir laquelle était la meilleure gang. Et on se comparait entre eux autres. Et Paul leur dit, vous ne faites pas bien de faire ça. Ça vous nuit de faire ça. Ça vous nuit les uns les autres, et ça nuit au corps de Christ, et ça nuit à l'œuvre de Christ dans le monde. Et je crois que je vais vous donner une définition de l'orgueil dans le dictionnaire, un dictionnaire bien ordinaire comme le petit Robert. Opinion trop avantageuse de soi-même. C'est le dictionnaire qui dit ça. Une opinion trop avantageuse de soi-même. Ça veut dire qu'on se pense meilleur que soi-même, qu'on est en réalité. Mais il y a un autre sens de l'orgueil, on appelle ça de l'orgueil négatif, c'est qu'on pense qu'on est moins bon qu'on l'est. Parce que les deux, c'est de l'orgueil, c'est deux bords. Il y a des gens qui sont toujours en train de dire « moi, je ne suis pas capable, moi, je ne suis pas capable ». C'est autant de l'orgueil que celui qui dit tout le temps « moi, je suis capable, moi, je suis capable, moi, je suis capable ». C'est deux façons d'exprimer l'orgueil qui est en nous. L'humilité, selon ma compréhension des Écritures, c'est de se voir tel que Dieu nous voit. Ça, c'est l'humilité. C'est de se voir tel que Dieu nous voit. Pas comme notre femme nous voit, pas comme ma mari nous voit, pas comme les gens autour de nous nous voient, pas comme mon boss me voit. Ça, c'est pas ça le barème. Le barème, c'est si je me vois et que j'accepte la même façon que Dieu me voit, la Bible nous dit que je suis un homme humble. Les hommes humbles, ce n'est pas ceux qui s'habillent en Guinée puis qui se promènent trop comme ça. Non, pas ça, là. Ça n'a rien à voir avec l'humilité, ça. On a confondu l'humilité avec d'autres choses. Hein? Avec la gêne. Ou... Lui, il dit, c'est un homme humble, il ne parle pas fort. Ça n'a rien à voir, ça, là, non. Ça n'a rien à voir. L'humilité, c'est si Dieu dit quelque chose de moi, je l'accepte. Sa perception, c'est la réalité, je l'accepte. Et c'est pas facile à accepter. C'est pas facile. Il y avait un groupe dans la Bible qui est appelé les pharisiens. Et quand Jésus leur a dit comment ils les voyaient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont penchés, ils ont ramassé des roches, et ils ont dit, tu vas mourir. Ça, c'est l'être humain, ça. Jésus venait juste leur dire comment ils les voyaient, qu'est-ce qu'ils voyaient dans leur cœur, dans leur vie. Puis ils ont dit, nous, on n'accepte pas la façon que tu nous vois. Il est orgueilleux. Et ils disent, tu vas mourir. Finalement, ils l'ont su, finalement. Parce que dans leur orgueil, ils ne voulaient pas accepter la façon que Dieu les percevait. C'était plus important pour eux comment les gens les percevaient. Tout le monde, la population, disait que les pharisiens, c'était la crème de la crème. La crème de la crème. Puis Jésus leur a dit, Ils ne l'ont pas accepté. Ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est que les croyants ne devraient pas être orgueilleux. Si on est orgueilleux, c'est parce qu'on ne comprend pas bien ce que Dieu pense de nous. Si on comprend bien ce que Dieu pense de nous, comment Dieu nous décrit, comment Dieu nous voit, et ça va nous aider à vivre notre vie chrétienne. Et l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, tant que vous allez rester orgueilleux comme vous l'êtes, ça va vous empêcher d'aller plus loin dans votre vie chrétienne. Ça va vous empêcher de faire ce que Dieu voudrait que vous fassiez pour vous. Vous savez que c'est l'orgueil qui nous fait pécher à chaque fois? Chaque fois que vous faites un péché, c'est de l'orgueil. Vous avez déjà saisi ça? Dieu dit, tourne à droite, François. Et François, tourne à gauche. C'est quoi ça? L'orgueil. Ce que tu dis, c'est pas la bonne chose. La bonne chose, c'est ça. Je tourne à gauche. Je pense que c'est mieux que Dieu, ce qui est bon pour moi. Je sais mieux que Dieu ce qu'on va faire. Et Dieu dit, tourne à droite, François. Je te dis ça pour ton bonheur. Non, Seigneur, moi, je tourne à gauche. Parce que, peu importe, je suis habitué. Tourne à gauche. Et je suis en train de dire à Dieu, je sais mieux que toi quoi faire. Et c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Fait que, il ne faudrait pas que je vous demande ce matin, pensez-vous que vous êtes orgueilleux? Je pourrais vous demander la même chose. Êtes-vous pécheur? Vous allez tous dire, oui, je suis certain. Mais c'est la même chose, ça veut dire la même affaire. Orgueil, pécheur, c'est la même affaire. Mais on va voir pourquoi l'apôtre Paul encourage les croyants de Corinthe à ne pas être orgueilleux. Parce que ça bloque leur marche chrétienne. Je pense qu'il prend pour acquis qu'ils savent que c'est quoi l'humilité, mais il veut juste leur donner les avantages d'être humble, de se voir tel que Dieu nous voit. Versets 1 et 2 dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 1 et 2. Quelqu'un veut le lire, versets 1 et 2? Donc, l'apôtre Paul dit, vous ne devriez pas être orgueilleux dans l'Église parce que l'orgueil va vous empêcher d'être des serviteurs. Regardez-nous comme des serviteurs, comme des dispensateurs. Un orgueilleux ne veut pas être un serviteur. Il veut quoi? Être servi. Être servi. Et l'être humain, dans son être, dans sa nature humaine, dans sa nature en tant que pécheur, il est tellement orgueilleux qu'il veut que ce soit Dieu qui le serve. On n'est pas rendu au top quand on est rendu là. Dieu est mon serviteur. Je vais lui dire quoi faire à ce Dieu-là, moi. Vous marquez des fois dans vos prières que c'est qu'on peut faire des fois. Seigneur, puis on a notre liste, puis on lui dit quoi faire. fais ça, fais pas ça, donne-moi donc ça. Et on dit à Dieu quoi faire. Parce qu'on le voit comme étant le serviteur. Je peux te demander quelque chose, mais je ne devrais pas oublier que c'est pour te servir toi. Je peux te demander une mop pour laver ton plancher. C'est correct. Mais je ne peux pas te demander quelque chose dans l'espace que toi, tu vas me servir parce que moi, je l'ai besoin et ça, c'est à moi, ça. Et Dieu dit, si vous restez orgueilleux comme ça, il dit, vous ne serez pas capable d'être des serviteurs dans l'Église. Vous ne serez pas capable d'être des dispensateurs. Et le mot dans le grec pour le mot serviteur, c'est un mot qui veut dire rameur. C'est des gens qui étaient dans des... comment est-ce qu'on appelle ça, des bateaux qui rament, là? Des galères. C'est le mot pour les gens qui étaient dans le fond de la cave et qui ramaient. Qui ramaient. Et quand ils arrivaient au port, tout le monde applaudissait, mais je vous garantis qu'ils n'applaudissaient pas les rameurs. Ils applaudissaient ceux qui étaient sur le pont, pas ceux qui étaient dans la cave. Il y avait le tribun en haut, ben non, quelqu'un d'important. Là, on l'applaudissait quand il rentrait, on disait, lui, taper le rouge. Mais les rameurs, ils restaient dans le fond de la cave. C'était juste des rameurs. C'est des serviteurs. C'est le mot dans le grec qui est là. Serviteur, rameur. Rameur. On est des serviteurs et l'orgueil nous empêche de servir. On veut se faire servir. Et l'apôtre Paul dit, faites pas ça. C'est sûr qu'il y avait un débat entre eux autres. Je connais dans l'église, en gang, ils ne voulaient pas se servir mutuellement. Ils voulaient se faire servir. On va voir tout au long de l'épître, c'est ce qui se passe dans l'église. Paul va leur répéter ça à plusieurs reprises, qu'ils sont orgueilleux. Et tout cet orgueil-là a causé que l'église de Corinthe était dysfonctionnelle. Il dit que vous devez être des dispensateurs. C'est quoi ça, un dispensateur? Qui donne? Oui. Mais ça, il manque un petit bout. Il donne? Oui, pas tout à fait. Voilà. C'est juste une partie de la chaîne. Quelqu'un lui donne quelque chose pour le donner à un autre. Dans la langue originale, c'est une espèce de gérant, c'est une espèce de serviteur, mais comme le chef des serviteurs, qui reçoit de son maître de la nourriture, puis il va la donner aux autres. Fait que lui, il est rien dans le fond. Il est juste un entre-deux. C'est ceux qui reçoivent quelque chose du dispensateur doivent remercier celui qui a donné au dispensateur quelque chose pour leur donner à eux autres. Mais l'orgueilleux, lui, il veut que ça vienne de lui. Je te donne quelque chose. Mais nous, le croyant, il faut dire, Dieu te donne quelque chose à travers moi. C'est Dieu qui te donne ça à travers moi. C'est pas moi qui te donne ça. Je suis juste un dispensateur. Je suis juste un intermédiaire entre deux personnes. Administrateur. L'administrateur, il administre les biens de quelqu'un d'autre, simplement. Il n'en tire pas louange, c'est quelqu'un d'autre. C'est ça. Puis donc, l'orgueil nous empêche de servir. D'abord de servir Dieu, mais de servir aussi nos semblables. C'est pour ça qu'il dit, ne soyez pas orgueilleux dans vos relations les uns avec les autres. Nous allons voir une deuxième vérité. Versets 3 à 5. Versets 3 jusqu'à 5. Quelqu'un veut le lire? Donc, ici, le mot qui revient à plusieurs reprises dans le texte, c'est le mot « juger ». Hein? Juger. Les orgueilleux, la Bible ici, nous dit que ne recevront pas de louange de la part du Seigneur. Tu ne peux pas recevoir de la louange de la part de Dieu si tu agis en tant qu'orgueilleux. Tu ne peux pas. Dieu dit « ne juge pas, ne te juge pas, laisse-moi être le juge. » Notre tendance, c'est on se juge mieux qu'on est. Paul dit, je me juge même pas moi-même, parce que je ne vois rien de mal en moi. On a tendance à se juger mieux qu'on est. Et on a tendance à juger les autres pires qu'ils sont. C'est notre tendance humaine, ça, comme ça. On est comme ça de nature. Oh, hey, on était chez nous hier? 15-20 dans la maison? Je ne voudrais pas que vous entendiez tout ce qui a été dit. Parce qu'on a jugé, on a condamné les gens, les gouvernements, les gens qui ne faisaient pas des bonnes choses. Puis on a ri de la voirie avec les trous à Montréal. Parce qu'on juge l'autre, puis l'autre est toujours pire que nous. On fait ça pour s'élever. Pour se mettre sur un piédestal. Les autres sont pas bons, parce que nous, si on serait là, nous, on en ferait des trous. Nous, on en remplirait des trous, parce qu'on serait capable d'en faire. On se compare, on se juge, et là, on baisse l'autre, puis on s'élève, nous, un petit peu comme ça. Et l'apôtre Paul dit, faites pas ça. Parce que si vous jugez, vous êtes sûr et certain que votre jugement n'est pas juste. Pas plus le mien. Vous n'êtes pas capable de juger justement. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas tous les faits. On ne connaît pas tous les cœurs. Ce qu'il dit, c'est Dieu connaît le dessein des cœurs des gens. Dieu sait ce qui se passe dans la tête des gens. Dieu sait ce qui se passe même dans ton cœur. Mieux que toi, tu le sais. Moi, je fais des choses, des fois, j'ai bien l'impression que je fais ça pour le Seigneur. C'est pas vrai? Je le fais pour être vu, pour être entendu, pour être valorisé, pour être sécurisé. Mais je vais dire avec ma bouche, je fais ça pour Dieu. J'ai vraiment la conviction, je pense vraiment que c'est pour ça. Dieu dit, juge-toi pas toi-même, François. Laisse-moi juger tes actions. C'est moi qui vais juger ça. Et c'est, dans le fond, c'est ça qui est important, que ce soit lui qui nous juge. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait la louange. C'est lui qui va dire le merci. C'est pas important si tu dis, moi je fais ça pour ça. C'est pour ça que, est-ce que Dieu, lui, qu'est-ce qu'il va dire de ça? Et l'apôtre Paul il dit aux gens, pourquoi est-ce que vous vous comparez les uns aux autres dans l'Église? Pourquoi vous vous jugez les uns les autres? Pourquoi vous dites qu'un est meilleur que l'autre est pire que l'autre? Ne jugez pas personne. Il y a juste un juge. Le juge, c'est Dieu. Il est parfait dans son jugement. Parce qu'il connaît tous les faits. Il connaît tous les faits. Toutes les pensées, toutes les intentions, il les connaît. Tu peux me voir faire un geste, tu peux dire, ah, es-tu gentil? C'est de la merde. À l'intérieur, des fois. Et des fois, tu peux dire, es-tu méchant? Ça peut être quelque chose de bien à l'intérieur. Parce que tu ne connais pas la pensée de mon cœur. Seulement Dieu le connaît. Mais vous êtes comme moi. On a de la misère. On a bien de la misère. Bien de la misère à laisser à Dieu sa job de juge. On a bien l'air de... Et c'est pour ça qu'on a tant de difficultés dans nos relations mutuelles les uns avec les autres. C'est parce qu'on juge, puis on condamne. Et on abaisse les gens. Et on s'élève, nous, à un degré tel, des fois, que les gens ne sont plus capables de nous sentir. Mais dans l'Église, il y avait ça. Mais l'apôtre Paul est en train de leur dire, réglez ça. Et si vous vivez dans l'humilité, Dieu va vous louer. Dieu va vous louer. C'est de qui qu'on veut avoir les louanges? Dans le fond, c'est de Dieu qu'on veut avoir la louange. La vie chrétienne, ça a commencé en s'humiliant. Qu'est-ce qu'on a dit? Seigneur, je ne suis pas capable de me sauver moi-même. Seigneur, je suis un pécheur. S'il vous plaît, sauve-moi. On s'est humilié. Sauve-moi. Et on devrait rester là. On devrait rester dans cet état-là. Seigneur, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Aide-moi. Je ne suis pas capable de faire ci aujourd'hui. Je ne suis pas capable d'aimer ma femme. Je ne suis pas capable d'aimer mon mari. Je ne suis pas capable d'aimer mes enfants. Aide-moi, s'il vous plaît. Aide-moi. J'en suis pas capable. Tu me demandes d'aimer mon prochain. J'en suis pas capable. Aide-moi, Seigneur. Et si on fait ça, surtout qu'on fait quelque chose de bien, on devrait être porté à dire, merci Seigneur de m'avoir aidé à faire ça. Fait que là, on donne la louange à cette personne-là. Et lui, en retour, va nous donner la louange. Parce qu'on l'a loué, lui. Et l'orgueil, c'est, on s'accapare la louange pour nous autres. Et Paul dit, faites pas ça. Ça vous empêche d'avoir la louange qui va venir du Seigneur. Mais le chrétien est reconnu. À travers l'histoire, quand vous lisez l'histoire de l'Église chrétienne, l'Église est reconnue comme étant un peuple de personnes qui est humble et loue le Seigneur. Ce matin, on s'est assis ensemble, on a parlé, on a pris un pain, on a pris du jus de raisin, puis on a fait quoi? On s'est humilié, puis on a élevé le Seigneur. Le Seigneur, toute la gloire te revient, c'est toi qui es mort pour nous autres, c'est toi qui nous as fait du bien, c'est toi qui t'es sacrifié. On a élevé quelqu'un d'autre, on s'est humilié. On s'est humilié. Puis je crois qu'il faut maintenir cette attitude d'humilité, puis dire, Seigneur, c'est toi. C'est toi qui fais toutes choses. Aide-moi à vivre pour toi dans ce sens-là. On va en voir un autre maintenant. Un troisième. Verset 7. Oh, pas ça. Verset 7. On n'a pas lu 6? Oh. On va lire 6. On va lire 6. Je ne suis pas rendu à la bonne place. Je change le chapitre, moi, là. OK. 6. Allez-y, quelqu'un veut lire 6 et 7. C'est la définition de l'humilité, une définition d'humilité. Il dit, si tu es orgueilleux, c'est parce que tu crois que tu n'as pas tout reçu ce que tu as. Si tu as tout reçu de la part de Dieu, il dit, pourquoi est-ce que tu t'en glorifies? Pourquoi est-ce que tu te glorifies de quelque chose que tu as reçu? Quelque chose que quelqu'un t'a donné? Parce qu'il dit, c'est pas toi qui l'as fait, c'est quelqu'un qui te l'a donné. Qu'est-ce qui vous distingue entre Apollos, Paul, Céphas et toute la gang? Qu'est-ce qui les distingue? Ces gens-là ont tous reçu de Dieu quelque chose, gratuitement, dans sa grâce, dans sa bonté. Aucun de ces trois-là méritait quoi que ce soit de Dieu. Dieu leur a donné. Donc pourquoi est-ce que vous comparez? Parce que vous n'avez rien, personne. Vous avez tout reçu. Ton intelligence, ton physique, ton matériel, ta maison, ton auto, tout ce que tu as, est-ce que tu l'as reçu? Ou si tu l'as gagné toi-même par tes capacités? C'est une bonne question, hein? Et l'apôtre Paul dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu te glorifies? Pourquoi est-ce que tu te glorifies? Tu n'as pas de raison. Parce qu'en te glorifiant, tu es un menteur, parce que tu es en train de dire que c'est toi qui l'as fait, quand c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. J'espère que je mettais des peintures sur mon mur, puis je commençais à dire aux gens que c'est moi qui ai fait les peintures, quand c'est pas moi qui les ai faites. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. C'est le peintre qui l'a fait, c'est pas moi. Moi, je peux tout, je peux dire, un peintre m'a donné une peinture. Et gars, c'est bon, tu sais. Moi, j'ai juste mis après le mur, juste dans tes petits clous. Des fois, elle penche. Mais ça, on peut pas. Dieu dit, glorifie-toi pas toi-même. Parce que t'as rien en toi, tout ce que toi, tu l'as reçu de moi. Donc la loi doit retourner vers Dieu et non pas vers les êtres humains. Donc dans l'Église, tout ce que tu fais, tout ce que je fais, c'est pas toi qui l'as fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, quelqu'un qui t'a donné quelque chose. C'est Dieu qui t'a donné quelque chose pour que tu le fasses pour les gens. Donc on peut pas te glorifier toi, puis toi tu peux pas me glorifier moi pour ça. Mais tu dois glorifier celui qui a tout donné à tout le monde, qui est notre Dieu. Donc, il dit, ne parlez pas d'Apollos, ne parlez pas de Céphas, ne parlez pas de Paul, parlez du Seigneur. Parlez du Seigneur. Parlez du Seigneur. Une autre vérité qu'il va leur dire, verset 8, 8 à 13. Quelqu'un veut lire? Vous n'allez juste toi, puis quelqu'un d'autre lira les trois derniers. Case aussi. Merci. Qu'est-ce que Paul est en train de leur dire ici? Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit qu'il compare. Il compare les deux vies. Il compare leur vie à sa vie. OK? Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Qu'est-ce que leur orgueil les pousse à faire? Il dit, vous autres, vous régnez, vous êtes forts, vous êtes capables, vous êtes spirituel. Puis Paul, lui, il dit, moi, je suis dans la misère, je suis dans la difficulté, j'ai été persécuté, j'ai été rejeté, j'ai été humilié. Puis là, il dit, j'écoute pas ça pour vous faire honte, là. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que Paul veut qu'ils comprennent quand il leur dit ça? L'orgueil va nous nuire pour accepter la réalité de la vie chrétienne. L'orgueil, on ne veut pas être rejeté par ce monde. On ne veut pas être rejeté par ce monde. On veut passer pour des forts, pour des gens qui ont du succès, pour des gens qui ont réussi dans la vie. On ne veut pas être considéré comme étant les moindres dans la société. On n'aime pas ça que les gens se moquent de nous, rient de nous parce qu'on est des croyants. Ça veut pas dire qu'à chaque fois, ça va être difficile. Mais je crois que la vie chrétienne, c'est une vie d'humilité, la vie chrétienne. Je parlais avec un homme au téléphone, c'est toujours le même homme là, depuis quelques semaines, toujours le même gars qui me rappelle. Puis il m'a dit. Son idole, à lui, il n'a pas pris le mot idole, son modèle. Il dit, c'était Sœur Thérèse, son modèle. Sœur Thérèse, c'était son modèle dans la vie. Parce qu'elle a fait des grandes choses, Sœur Thérèse. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas fait des grandes choses. Elle a fait des grandes choses. Elle a fait beaucoup, des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Ils sont, je pense, ils sont rendus, m'a dit-tu, 40 000 maintenant qui sont devenus des disciples de Sœur Thérèse en Guinée, qui font la même chose qu'elle à travers le monde. Elle fait des grandes choses. Et j'ai répondu ceci. Il n'y a pas tellement longtemps, il y a eu une émission de télévision sur cette raison, après qu'elle était morte, qu'elle était décédée. Pendant un heure, je pense, ou un heure et demie, ou deux heures, je ne me souviens pas combien de temps, mais on parlait de sa vie à Santa Rosa. Les autres sœurs, d'autres personnes qui l'ont connue, qui ont vécu avec elle, sont venues parler, rendre témoignage. J'ai dit à cette personne-là, j'ai dit, malheureusement, pas une fois pendant l'heure et demie, ils ont parlé de Jésus. Ils ont parlé de Santa Rosa tout le temps. Et ça m'attriste jusqu'à certains points. Peut-être que ça a attristé même Santa Rosa. Ils n'ont pas parlé de ce que Jésus avait fait avec Sœur Teresa. Ils ont parlé de ce que Sœur Teresa était capable de faire, elle. Et on a élevé Sœur Teresa. On l'a glorifiée. On l'a mise sur un piédestal. On l'a déclarée même sainte à cause de ce qu'elle avait fait. C'est pas correct. Et je crois que quand vous allez mourir, quand je vais mourir, j'espère qu'on ne parlera pas de nous. Et qu'on va parler de celui que tu as fait pour nous. Parce que c'est comme ça. L'apôtre Paul dit, moi, je suis dans une situation d'humilité par rapport à la société, mais vous, vous régnez, vous êtes rendu dans des sphères plus hautes. L'orgueil nous empêche d'accepter des fois le rejet, l'humiliation, que dans la société, on ne se peut pas regarder comme étant la crème de la société, mais qu'on va te regarder plutôt comme des gens qui sont un petit peu arriérés dans nos façons de voir, dans nos principes, dans nos croyances, notre façon d'agir par rapport à certains principes. Dernièrement, quand on a parlé de l'homosexualité, quand on a parlé de beaucoup de choses, l'Église a passé pour quelque chose d'arriéré, qu'on n'était pas à la page, qu'on n'était pas à la mode, qu'on ne comprenait pas les gens. On n'a pas passé pour les gens qui sont corrects, là. Parce qu'on avait une conviction profonde qui vient de Dieu, que Dieu nous a montré. Et pas parce qu'on est meilleur, mais il faut appeler les choses comme elles sont. Sont pécheurs comme on est pécheurs, ces gens-là aussi. Mais je crois qu'il faut l'orgueil, si on la cultive, elle va nous empêcher de vivre la vie chrétienne. Parce qu'on veut être accepté des gens qui nous entourent, on veut être bien vu des gens qui nous entourent, et ça va nous empêcher de fonctionner. Et combien de fois, peut-être dans votre vie, dans ma vie, nous n'avons pas parlé du Seigneur parce qu'on avait peur d'être rejeté. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Parce que c'est ça, c'est quoi ça? C'est de l'orgueil, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si c'est ça? Un autre, verset 14. Une autre raison, verset 14. On va aller jusqu'au verset 21, si vous voulez bien. Donc, n'importe qui. Non, pas 14, excusez. Non, je reviens à 14 parce que j'ai besoin du verset 14 aussi. 14 jusqu'à 21. Donc, on peut en aller 3 ou 4 chacun. Là. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car même si vous aviez 10 000 mères en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé fidèle dans le Seigneur. Je vais monter un petit peu, vas-y. 19. 19. À partir du verset 19. Mais. Verset 21 aussi. Merci, Ginette. Donc, le dernier, qu'est-ce qu'il nous dit? L'orgueil nous empêche d'avoir de la puissance. Vous avez-vous déjà fait dire par quelqu'un, tu as une grande gueule, mais tu ne fais pas grand-chose? Je ne sais pas, mais moi, ça m'est arrivé à quelques reprises. Un grand parleur, puis un petit faiseur. Ça veut dire, je dis ça à quelqu'un, plutôt peut-être la vie de Jésus. Oh, ouais! C'est un grand parleur, mais un petit faiseur. Et Paul ici, c'est ça qu'il leur dit, là. Il dit, je vais aller vous voir, hein, et je vais aller vous confronter. Parce qu'il dit, parmi vous, il y a des grands parleurs. Mais je vais aller, moi, je vais aller vérifier la puissance que vous avez avec vos paroles. On voit, je viens juste des grands parleurs, mais vous êtes aussi des faiseurs, des gens qui ont de la puissance de Dieu dans leur vie. Et l'apôtre Paul ici, quand l'orgueil des Corinthiens les a poussés à dire quoi? On n'a pas besoin de toi, Paul, viens pas chez nous. Viens pas chez nous. Un orgueilleux, c'est quoi? C'est j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi, je vais aller tout seul. Un enfant, quand il est tout jeune, tu le prends par la main, tu l'emmènes, puis là, il est là. Il veut que tu lâches la main, puis là, il part à courir, puis il plante. Hein? Vous avez déjà vu ça? Moi, j'ai vu des enfants, puis ils ont fait ça. Je suis capable! Puis là, ils se pètent. Ils se pètent contre le mur, dans leurs expériences. C'est correct. On a fait la même chose, nous aussi, en tant que parents. Quand nos parents nous tenaient par la main, on pense qu'on est meilleur. On pense qu'on peut vivre sans les autres, sans les gens. Ici, dans le texte, ils pensent qu'ils sont capables de vivre sans Paul. Et Paul dit, je vais aller vous voir. Puis il dit, il y a des gens qui disent, on ne veut pas te voir. Pas besoin de toi. Pourtant, il était leur père spirituel. C'est lui qui avait commencé l'église de Corinthe. C'est lui qui avait mis les fondements de la foi. Mais il ne voulait pas le voir. Ici, il dit, je vais vous envoyer Timothée qui va vous enseigner ce que moi j'enseigne. Puis les autres, ils disent quoi? Je ne veux pas savoir ce que tu penses, Paul. Je ne veux pas savoir. On a Apollos avec nous autres, tu sais, là, parce que nous, on est de la gang d'Apollos. Là, on ne veut pas rien savoir de toi. On a nos enseignants ici. Je me souviens, il y avait un homme que j'ai connu dans une petite ville où on a resté. Il disait, je n'ai pas besoin de toi pour nous instruire. J'ai Dieu, j'ai le Saint-Esprit, je suis correct. Il ne voulait pas recevoir de l'enseignement de personne. L'orgueil, tout simplement. L'orgueil, tout simplement. Je n'ai pas besoin. Et qu'est-ce que c'est que Paul est en train de leur dire? L'orgueilleux a bien de la misère avec les Écritures. L'orgueilleux a beaucoup de misère avec les Écritures. Parce que Paul ici représentait la parole de Dieu, entre guillemets. C'était lui. Vous mettez dans la tête, dans ça, il n'y avait pas de Bible. La Bible n'était pas écrite, comme on l'a aujourd'hui. C'était les apôtres qui étaient des manuels vivants, des Bibles vivantes. Mais ici, il dit, je vais envoyer mon Timothée, qui est un dispensateur. Il va aller vous dispenser la parole de Dieu que je vais lui donner, que je lui ai donnée à travers les années. Il va vous dire ce que moi j'enseigne, afin de rétablir, de mettre les choses à l'endroit. Parce que vous avez un paquet de petits conflits dans votre église. Il va vous aider à mettre ça dans le bon ordre. Ils n'ont pas besoin de lui. Pas besoin de lui. Le chrétien a de la misère avec l'autorité. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, puis j'ai dit, de par nature, dans ton tempérament, c'est pas cette semaine, ça se passe. Dans ton tempérament, j'ai dit, t'es rebelle, t'es anarchique dans ton tempérament. Tu contestes toute autorité. Puis j'ai dit, c'est-tu vrai? Il dit, ben oui, tout est comme ça. Tout est comme ça. L'orgueil pousse à contester l'autorité. Et automatiquement, en tant qu'être humain, on conteste aussi l'autorité de Dieu. Que les Écritures. Dieu nous dit que c'est bien, nous on dit que c'est peut-être pas si mal que ça, ou c'est peut-être pas si bien que ça, on a de la misère à se soumettre aux Écritures. Il dit, si vous êtes humble, vous allez recevoir l'instruction facilement qui vient de Dieu. Si vous êtes orgueilleux, ça va être dur pour vous de vous soumettre. L'orgueilleux, lui, ce qu'il se fait souvent, il va se résigner. Il va se résigner, il va le faire. Faut bien. Faut bien. Ça va? Oui, faut bien. Quand tu dis il faut bien, c'est que t'es résigné. T'es pas soumis, t'es juste résigné. Parce qu'il y a quelqu'un de plus fort que toi qui t'oblige à faire de quoi. Mais l'homme, lui, se soumet parce qu'il sait que l'autre est plus sage, plus intelligent, plus brillant. Moi, je parle de Dieu. Et là, on se soumet. Ça, c'est la pensée de Paul ici. Donc, une chose est claire dans ce chapitre-là, c'est que Paul dit, vous êtes mieux de fonctionner avec l'humilité qu'avec l'orgueil dans l'Église. Si vous enlevez votre orgueil, vous n'aurez plus de discussion entre vous pour savoir lequel qui est plus brillant, puis lequel qui est le meilleur professeur, puis c'est qui est le plus... C'est qui. On va voir tout à l'heure qu'il va parler des dons, chapitre 13, 13, 12, 13, 14, il va parler des dons, et les Corinthiens ont encore des problèmes d'orgueil, ils veulent que leur don dans l'Église soit le prédominant, soit le plus vu, le plus... Dis-moi, je parle en langue, c'est moi le premier, là, dis-moi, je prophète, c'est moi le premier, là, dis-moi, je fais des miracles, c'est moi le premier. Ils vont commencer à se comparer avec leur don, ils vont se mettre des valeurs personnelles avec ça. Et Paul a dit, ben non. L'humilité. L'humilité, c'est de se voir comment? Comme Dieu nous voit. C'est la petite phrase qu'on doit retenir cette semaine. L'humilité, c'est de se voir comme Dieu nous voit. Comme Dieu nous voit. Et ainsi, nous allons marcher dans l'humilité avec Dieu, tout simplement. Et dans l'Église, et à travers nos relations, ça va être plus facile dans ce sens-là. Donc, que le Seigneur puisse nous aider à ne pas se comparer, ne pas se diviser entre nous dans l'Église. Et on vient de toutes les églises différentes. Hein? On vient de toutes les églises différentes ici. Là. Et on est des gens qui vivent dans d'autres églises, qui ont été sauvés dans d'autres églises. Et sans qu'on s'en aperçoive, on a tendance à comparer. Je me souviens une fois à Val-d'Or, j'étais un nouveau pasteur, là, peut-être un an ou peut-être deux. J'arrivais à Victoriville. Puis il y a quelqu'un qui me dit, « François, t'es plus à Victo ici, t'es à Val-d'Or. » Mais où? J'étais accroché à Victoriville. Qu'à Victoriville, on ne faisait pas comme ça. Puis à Victoriville, on faisait ça. Non, t'es pas à Victo, là, t'es à Val-d'Or. Donc, c'est de ne pas se comparer, de ne pas vouloir faire, mais de dire, dans l'humilité, on fonctionne, hein, les uns avec les autres. Hein. Que le Seigneur puisse nous aider. Et nous allons terminer dans la prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, tu as attendu qu'on s'humilie avant qu'on soit sauvé. Il faut qu'on s'abaisse devant toi et qu'on avoue notre état de pécheur. Qu'on avoue qu'on était incapable sans toi. Qu'on avoue qu'on n'était pas capable de te plaire, de t'obéir sans que tu fasses quelque chose. Et dans ta grâce, tu nous as régénérés. Dans ta grâce, tu nous as fait naître de nouveau. Dans ta grâce, tu nous as sauvés. Dans ta grâce, tu as mis ton Esprit Saint en nous, afin qu'on puisse vivre dans l'humilité. Afin qu'on puisse vivre comme des dispensateurs, comme des serviteurs, de toi premièrement et des uns des autres. Tu nous as donné cet Esprit Saint afin qu'on puisse comprendre les Écritures et qu'on puisse te servir, te faire connaître. Ta parole nous dit dans Matthieu chapitre 5, « Heureux les humbles, car le royaume de Dieu est à eux. » Aide-nous, Seigneur, à vivre dans l'humilité, dans chacun de nos jours, dans nos journées, dans nos vies, dans tout ce que nous faisons, qu'on puisse arrêter de penser qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends de nous, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse. Aide-nous à nous soumettre et non pas à se résigner devant ce que tu fais. Parce que c'est ainsi, en étant humble, que nous allons pouvoir te servir. Et nous avons ce matin que cette étude a parlé à chacun de nous. Nous avons de la difficulté encore avec ça. Et nous allons avoir de la difficulté toute notre vie. Mais Seigneur, rappelle-le-nous. Que ton esprit puisse nous montrer, François, c'est d'orgueil ce que tu fais là. Et qu'on puisse l'avouer, Seigneur, qu'on puisse le reconnaître, qu'on puisse te prier afin d'avoir de vivre dans l'humilité et non dans l'orgueil. Notre chair, que la parole appelle la chair, nous pousse à l'orgueil. Mais ce que tu as régénéré en nous, cet Esprit Saint que tu as mis en nous, nous pousse vers l'humilité. Donc il y a un combat en nous. Mais par la foi, nous croyons que c'est l'humilité que tu as mis en nous au jour de notre salut, qui va gagner, finalement. C'est cette humilité-là que tu as mis en nous, qui va finir par dire, c'est toi qui m'as sauvé, c'est toi qui m'as régénéré, c'est toi qui m'as tout donné. Et on te remercie, Seigneur, que tu nous as donné cette capacité-là. C'est toi qui as fait le miracle en nous, et non pas nous-mêmes. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va se lever, si vous voulez bien, pour terminer dans un moment.